Pas bloqué à la case départ. La caisse d'épargne dans mes Nike, cette vie me saoule. J'ai du mal à prendre mes marques. Les putes portent pas du maquillage. Dis bonjour au corbillard. J'suis d'humeur marécageuse. Tarte une bouteille de champagne. J'me soigne à la bedam. Ouais, j'ai une page d'avance. Wesh, demande à Nassim. On est allergique au d'argent. Les saloperies vendent la maille. Se rend le linge sale. C'est en boulot. Chez nous les twins sont banzons. Pas le 11 septembre. Faut que j'remonte cette gâtonne pente. On parle des conséquences. Mais j'suis scotché à l'étang. T'es pas une tempête de ma trempe. Avec velette. On rêvait du New Camp. Mais on compte plus les crampes. Les journées à chercher les francs. Pour l'oseille, on se fait inventif. Vend des portables tactiles. Les réseaux sont électriques. Donc recharge les batteries. J'évite les cicatrices. Ouais, je veux toutes sortes de devises. Moi, c'est la menace fantôme. Gros speed pour les délits. Marécage, trip, cash, trip. Normal, normal. Ok, ok. J'encule le monde, tu le monde. Ici, ok. On a un tas de titres, un tas de skunk et un tas de scuff. Dans mon crâne, le diable fait des pattes smurfs. Dès le départ, boy, ça fait bouge. J'entasse les paires de choses, la vie, c'est du poker. Et je vois que mes frères se couchent. Je rêve de flou, je reste le coulon, bref, je souffre. Moi, j'emmerde tout, l'amour, je pète le boule. Je suis dans le stress, le doute, j'ai des faces choquantes. Y'a pas de maison dans ma prairie, chez moi y'a que des faces non-nantes. Ok, j'fume de la frère, j'ai pas de texte à l'autre rose. On t'envoie dans les orties, et on passe à autre chose. Je passe des week-ends fucked up, 05 White Storm. 7 ans, il se passe que dalle. À me demander pourquoi je sors, y'aura pas de pourboire. Trouve-moi dehors en bas, ma mixtape c'est de l'or en bar. Et bientôt elle sort dans le parc, ok. Quand tu rappes, on dirait moi ambulant. Tu voulais rouler en Porsche et tu repars en ambulance, ok. Ok, marécage, street, 1, 2, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,